Chapitre 11. Autre effet des liaisons que l'homme met aux choses. Nous devons à la vie champêtre que l'homme menait dans les premiers temps cet air riant répandu dans toute la fable. Nous lui devons ces descriptions heureuses, ces aventures naïves, cette divinité gracieuse, ce spectacle d'un état assez différent du nôtre pour le désirer, et qui n'en est pas assez éloigné pour choquer la vraisemblance. Enfin, ce mélange de passion et de tranquillité. Notre imagination rit à Diane, à Pan, à Apollon, aux nymphes, aux bois, aux prés, aux fontaines. Si les premiers hommes avaient vécu comme nous dans les villes, les poètes n'auraient pu nous décrire que ce que nous voyons tous les jours, avec inquiétude, ou que nous sentons avec dégoût. Tout respirerait l'avarice, l'ambition et les passions qui tourmentent. Les poètes qui nous décrivent la vie champêtre nous parlent de l'âge d'or qu'ils regrettent, c'est-à-dire nous parlent d'un temps encore plus heureux et plus tranquille.